15-2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Vous avez un bureau de tabac, là, juste en face. 2. Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. 3. Ah, voilà une boîte aux lettres. 4. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? 5. Allons faire un tour au Luxembourg. Vous voulez bien? 6. Vous m'attendez? Je reviens tout de suite. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? B. Vous m'attendez? Je reviens tout de suite. C. Vous avez un bureau de tabac là, juste en face. D. Allons faire un tour au Luxembourg. Vous voulez bien? E. Ah, voilà une boîte aux lettres. F. Je voudrais un timbre, s'il vous plaît.